Bonjour et bienvenue au podcast Mac Québec. Nous sommes mercredi le 8 mai 2013, il est 22h01 et vous écoutez le podcast Mac Québec, votre show de nouvelles à propos de tout ce qui est Apple. Se joint à moi ce soir, en fait, mes deux comparses, Jean et Jean, François d'un côté et Marc, Michel de l'autre. Pardon, Marc n'est pas venu depuis un certain temps. Donc, vous allez bien, messieurs? Oui, ça va très bien. Passez un bon 2 semaines, vu que je vous vois 2 semaines. Oui, mm-hmm. Oui. Excellent. Oui, très bien. Vous pouvez suivre, en fait, le podcast Mac Québec aux 2 semaines, dès 22h riche, quelque chose, ouais. Le soir. Donc, le prochain sera le 22 mai. Et vous pourrez aussi nous retrouver dans une émission spéciale le 10 juin pour la WWDC. On va revenir un petit peu plus tard. D'abord, on aimerait remercier nos gentils commanditaires. Tout d'abord, en fait, ClickPom qui nous accueille dans ses bureaux et Coapucam qui nous fournit du bon matériel à tester pour vous. Et aussi, en fait, dans notre aventure d'envoyer quelqu'un à la WWDC, on a deux nouveaux commanditaires qui se sont joints à nous. D'abord, l'agence web ReptileTech. Qui se spécialise dans le web interactif et les solutions multiplateformes. Vous pouvez visiter leur site web pour plus de détails au www.reptiletech.com. Et par, on garde son sérieux, messieurs? Oui. Vidéo et boutique Sex Plus, qui opère 12 boutiques où hommes, femmes ou couples en quête de plaisir pourront retrouver une vaste sélection de DVD osés, d'accessoires de fantaisie ou de lingerie irrésistible. Les boutiques sont situées à La Salle, Châteauguay, Saint-Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Saint-Hubert, Repentigny, Joliette, Trois-Rivières, Saint-Alphonse-de-Grambay, Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.sexxxx3x+.ca. Voilà. Bravo, messieurs. Oui. C'était très bien dit. En ce moment, en fait, vous le savez, sur Mac Québec, on vous offre toujours de super concours. On vient de terminer celui... qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Un iPad et puis une iPad. Carte cadeau iTunes de 50$. Effectivement. Et en ce moment même, vous pouvez aller sur le site de Mac Québec. Vous allez avoir les détails. C'est, vous pouvez gagner un certificat cadeau de 75$ pour un nouveau partenaire de Mac Québec qui est iRepair Montréal ou iRepair Montréal. Mm. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans la réparation d'iPhone, d'iPad et de iPod ou la modification encore. Si vous voulez une plaquette transparente ou des trucs comme ça, voir à l'intérieur de votre iPod, ils sont très capables de faire ça. Sinon, messieurs, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... mis en maudit ou que vous avez envie d'applaudir, c'est le moment du coup d'os ou coup de dose. J'ai pensé tantôt, j'ai rien trouvé que j'ai trop chialé depuis les dernières 2 semaines. Coup d'os, je voudrais peut-être dire un petit mot vite de l'application Merci de la STM. Peut-être un coup de 12 aussi. C'est peut-être pour se faire pardonner de leur cochonnerie de système qu'ils ont. Moi, je ne sais pas combien ils ont mis d'argent là-dessus. Je ne sais pas, mais ça lag. C'est long. Elle n'est pas belle. Je ne vois pas qu'est-ce que la STM vient faire dans le monde du Twango, Kimbay et autres groupons. Puis, garde donc ton argent puis fais donc fonctionner tes maudits trams de métro. Je veux dire, le monde ne va pas magasiner parce qu'ils attendent après le métro le matin. Vous n'avez même pas d'Internet dans le métro, ça ne rentre pas. OK? Bon, fait que voilà. Mais non, c'est ça, parce que j'ai pensé à ça tantôt, parce qu'on a une offre, nous autres, chez Uniprix, 10 % sur tous les produits à prix régulier. OK. Pour, à partir de, la, de l'application, de la, merci d'être. Les deals sont pas bons en non. plus. Hein? C'est comme 15 % 10 % le meilleur deal, je pense, que, qui a économisé, là, question combien tu dépenses versus ce que tu reçois, c'est au pain doré, tu as un deuxième croissant au beurre gratis quand tu en achètes un. C'est fait un croissant au beurre. Il faut que, c'est ça, faut c'est que ça. Tu prennes cette sorte-là. Ouais, voilà. Pas plus que ça. Mm-hmm. Moi, mon coup d'os irait à tous nos auditeurs, en fait, qui ont donné pour envoyer Vincent ouais, au WWDC. C'est sûr qu'on a eu des commanditaires qui nous ont donné un sérieux coup de pouce, mais si on n'avait pas vu l'engouement que notre folle idée avait auprès des auditeurs, ben, on n'aurait pas poussé autant que ça. Donc, on est bien contents et à croire que notre mission de partager le savoir pour ne laisser personne left behind, pour ne laisser personne à l'arrière, vous touche vous aussi. Donc, on envoie quelqu'un là-bas, justement, pour avoir quelqu'un sur place et avoir le vibe j'ai de la place. Ah oui, ça va être vraiment trippant. Oh, ouais. Puis, à date, j'ai posé la question sur Twitter, on l'a relancé souvent, on a demandé qui c'est qui y va, puis il y a comme... Il n'y a pas grand monde, pas grand monde au Québec, en tout cas. Personne au Québec non. qui y va à date. À part René Ritchie. Ouais, de iMore, mais il a même pas ses billets, il rentre pas. Mais il va y aller comment? Il va y aller, puis il va être à l'extérieur, il ira juste pas aux présentations, il va comme filer la place, puis parler aux gens qui vont sortir. Mais il n'y a pas eu de billets, il peut pas rentrer. Fait qu'on est comme les seuls à avoir quelqu'un qui va être inside au moment. On va voir les gros sites aussi, Arstechnica, Engadget, tu vas voir des passes de presse, là, eux autres qui doivent pas payer leurs billets là, nécessairement, mais... Mais c'est quoi, c'est comment ça s'appelle? Celui qui il va plus, là, il peut plus y aller. Gizmodo. Gizmodo, oui. Les autres ne seront pas là. Mais au Québec, je pense qu'on est les seuls. Mm-hmm. Puis, la presse va être là? Ben non, ils vont être au E3. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est le 3 en même temps. En même temps, oui, c'est vrai. Mm-hmm. Voilà. Et mon coup de 12, en fait, c'est aux Dangereux à Ottawa qui, pour l'ensemble de leur œuvre, en particulier pour les coupures à Radio-Canada qui ont probablement mené à l'arrêt de l'émission Bande à part à l'antenne de Radio-Canada et par le fait même qui ont fait perdre la job à un bon ami à moi, Benoît Mercier. Donc, on les remercie pas du tout. Ensemble, ben on essaye de les tasser à la prochaine élection. Je sais qu'on a bien fait celle qui vient de passer. Là, mais c'est dans l'Ouest. Convaincre, c'est ça, c'est dans l'Ouest. Ou juste s'en aller. Oui, c'est ça. S'en aller. Voilà. On va vous mettre une petite publicité. Je sais que ça, il commence à avoir beaucoup de pubs, mais tu sais, on essaie de faire des trucs spéciaux, puis pour ça, ça prend de l'argent parce que tu sais, je peux pas juste tout mettre de ma poche. Fait que à ce moment-là, on vous fait passer de petites publicités, puis après ça, ben, on y va en nouvelles. Oui. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Voilà, on est de retour au podcast Mac Québec. Dans quelques instants, on devrait, Jean-Michel reste à l'affût, on devrait recevoir un téléphone. On va avoir quelqu'un en entrevue, mais pour tout de suite, on peut commencer en nouvelles. Donc, je te laisse aller, JF. Oui, on va la première nouvelle de la semaine, ben des deux dernières semaines qu'on a mis. Le iPhone original de 2007 sera bientôt désuet chez Apple. Donc, il va être mis au rancard. Il va être mis au rancard. Il sera plus supporté. Je pensais que c'était déjà fait. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai un téléphone de 2007 qui supporte encore. Aïe, aïe, c'est... Hey, c'est à 5 ans, là. C'est-à-dire que c'est supporté... en fait, il n'y a plus de ces téléphones-là qui sont sous garantie. Et dans un deuxième temps, les logiciels... Tu peux quand même aller le faire réparer si tu vas chez Apple jusqu'au 11 juin dans un Apple Store aux États-Unis. Bien sûr, pas au Canada parce que jamais été distribué ici. Ouais. Effectivement. Ils vont réparer ton téléphone ou le changer pour un œuf ou l'ouvrir puis changer des pièces. Je sais pas comment ils font ça. Ça m'étonnerait qu'il y en ait en stock, là, en magasin. Là, mais... Moi, si j'étais le gars du Apple Store, je te regarderais dans les yeux avec ton téléphone, je le sacrerais à terre, je pèlerais dessus puis je te donnerais comme un 3GS, juste comme histoire que le monde arrête de rire de toi avec ton vieux téléphone. C'est comme... ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça bizarre, cette nouvelle-là. Il y a un téléphone de 5 ans, il supporte ça encore. Mais je pense qu'ils sont obligés un minimum de 5 ans. Ouais, je pense c'est ça, parce que le dernier iOS qui était là-dessus, je pense que c'était 4.2.1. Non, même pas. Non, ça se rendait même pas là, je pense. C'est 3. Ah ouais? OK. Pas plus que ça. Y avait-tu l'App Store sur iOS 3? Oh, bonne question. Tu peux répondre. Bonne question. Je sais pas s'il est juste arrivé à iOS 4, l'App Store, en tout cas, whatever. On y reviendra. Avec nous, je crois, se joint Maxime Tremblay, en fait, qui va être là dans quelques secondes. Maxime, ça va bien? Oui, bonsoir, ça va super bien. Excellent. Maxime Tremblay, en fait, de l'Épée légendaire. Je vais monter un petit peu le son de Maxime. En fait, on t'a invité, évidemment, on t'invite tout le temps à la dernière minute. Maxime, on te sort de ton lit. T'avais-tu des plans pour asseoir? Oui. OK, viens-t'en, on va te scraper ça, nous autres. Mais Alexis, tu craches, ça. Voilà. D'abord, en fait, on voulait t'inviter parce qu'aujourd'hui est le lancement officiel du nouveau site que Mac Québec a fait pour toi, le 1er avril passé. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, écoute, d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est à cause de ça. Mm-hmm. Justement, on enregistrait à ce moment-là le poisson d'avril de Windows Québec. Puis, on avait fait quand même une belle soirée, mais finalement, moi, j'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée. Puis, pourquoi pas lancer ce projet-là pour vrai? Alors, on est rendu là. On a lancé officiellement Windows Québec aujourd'hui avec beaucoup d'aide de Mac Québec. D'ailleurs, c'est vraiment chapeauté par Kim Autelaire et son équipe. Donc, gros merci. Puis j'espère que les gens vont apprécier le contenu qu'on va placer sur le site. Sûrement. Écoute, il y a pas, tu sais, c'est mitoyen, c'est-à-dire que c'est pas collé. Mac Québec te dit pas quoi dire à propos de Windows. C'est vraiment toi qui as la ligne de rédaction. En fait, t'es rédacteur en chef du site. Tu vas pouvoir basher Apple comme tu veux sur ton site, mais de toute façon, c'est pas ton genre. Donc, on sait que tu tripes, tu es passionné de technologie et que tu en parles, en fait, tu n'en parles jamais en mal nécessairement, sauf peut-être des fois quand tu joues à SimCity 4. Mais tu posais la question, en fait, pourquoi ne pas lancer ce site-là? Il y a déjà, en fait, une couple de réponses qui me viennent à la tête parce que tu as 3 enfants, parce qu'il y a l'épée légendaire, parce que tu as probablement un travail dans la journée, puis une femme qui aimerait ça se souvenir de ta face une fois de temps en temps. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu fais, man, pour faire tous ces projets-là? C'est une question que tout le monde se pose. Non, c'est ça. Tu parles de ma conjointe, justement. Elle fait partie de l'équation. Là. C'est sûr qu'elle me donne vraiment, vraiment un gros coup de pouce là, avec les enfants et tout et tout. Mais... écoute, on fait ce qu'on peut. Je dois avoir un talent quelconque là, pour écrire plus vite que les autres, là, j'imagine. Ah ouais, mais si tu fais un jeu de 182 heures, il faut que tu joues au jeu de 182 heures. Mettons, à la Skyrim, là, j'ai 450 heures dessus, moi. Oh, mais Skyrim, je ne l'ai pas testé non plus. Ah, tu fais bien, okay. Tu fais bien parce que tu oublies ça, tu verras plus personne. Ben c'est ça, non. C'est sûr et certain qu'il y a certains choix qu'on fait. Concernant le Télé légendaire, qui est un blog où est-ce qu'on parle principalement de jeux vidéo et de geekitude, je me suis monté une équipe. Là, il y a des gens qui m'aident. Je tiens pas ça, je tiens pas le fort tout seul. Puis les jeux vidéo, je les teste pas tous, moi non plus, donc je les partage avec l'équipe. Pour Windows Québec, là, présentement, c'est pas mal un lone ranger, donc présentement je suis seul. Mais s'il y a des gens qui sont passionnés de technologie et qui aiment beaucoup l'écosystème offert par Microsoft, on pourrait peut-être même en discuter, jeter un petit coup d'œil là-dessus. À quand le premier podcast de Windows Québec? Ben... C'est pas prévu encore. Okay. C'est peut-être dans les plans. J'ai pas. Écoute, on s'entend que vous savez, vous avez le podcast de Mac Québec, vous savez le temps que ça prend à oui. Organiser. Mm-hmm. Oui, il est 10h15, un temps comme ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous le faites de manière bimensuelle. C'est pas pour rien, c'est parce que vous savez, c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut s'organiser, se réunir, le faire. C'est dans mes plans de présenter un podcast pour Windows Québec à un moment donné. Est-ce que ça va être dans l'immédiat? Non, j'ai l'impression que ça va être... je veux prendre le temps de bien placer le site avant. Mm-hmm. Vraiment. Ben pour moi, un podcast, c'est en fait, pour faire une parenthèse, là, c'est un produit connexe. pour moi, le produit principal reste le site web. C'est là où est-ce que tu vas amener tes gens. Mm-hmm. Puis tout ce que tu fais autour, c'est pour ramener les gens vers ton site web. C'est ça qui, mm-hmm. c'est ça qui est le cœur de tout projet, moi, je pense. Ben, c'est que là, je suis d'accord. C'est pas mal ce qu'on fait, en fait, avec Mac Québec puis avec les amateurs. Les amateurs, c'est le podcast, si on veut, de Mac Québec Entraide. Et le podcast Mac Québec, c'est le podcast du site Mac Québec pour les nouvelles. Parce que aussi, il faut dire que le podcast, moi puis toi, on n'écrit pas sur Mac Québec. Nous autres, en fait, quand on écrit, il y a du monde qui nous corrige. Oui, c'est ça, puis qui nous envoie des lettres faites avec comme des découpeurs de journaux, là, des fois. Là, exactement. Comme des menaces. Mais c'est ça, fait qu'on sert du podcast pour prôner la bonne nouvelle. Voilà. Sinon, en fait, moi, je lance ça dans les airs. Je te retiendrai pas le plus longtemps, Maxime, parce que faut que tu dormes un jour. Mais je lance ça, en fait. Podcast à faire aussi. Oui, c'est ça. Et je lance ça, en fait, dans l'éther, mais j'aimerais bien voir un site web fait par un gars de Rimouski, c'est ça? Et sponsorisé. En fait, pour la forme, on va dire Rimouski. En fait, j'habite à Mont-Joli. OK. C'est à 20 minutes de Rimouski. Donc un site web Windows fait à partir de Mont-Joli, mais comme ça, sponsorisé par, je sais pas, un magasin d'informatique de Sorel. Je dis ça de même. Il y a Éric Paquin de Ordigénie qui va comprendre de quoi on parle dans le chat. Fait que vous parlerez, vous trouvez-vous sur Twitter, puis jasez-vous ça. Ben merci beaucoup, Maxime. Puis on t'es toujours le bienvenu, en fait, pour venir nous parler de ce qu'il pourrait avoir de nouveau puis de gros sur Windows Québec. D'ailleurs, en fait, s'il y a des lancements ou des événements spéciaux, peut-être pour la Xbox, tu pourrais peut-être venir nous voir à propos de ça. Essaye de trouver une petite affaire là, qui a rapport avec Apple. Je sais pas, il y a Smart Glass là, sur... Non, mais ça marche pas sur Macintosh. Smart Glass, ça existe sur iOS. Oui, ouais, sur iOS, moi, même pas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, ben, on te laisse et nous, on va continuer la nouvelle. Merci beaucoup. Ah, ben tiens, avant de partir, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? Ça, c'est une question qui est très longue à répondre. Écoute, moi, j'ai un compte personnel Twitter qui est Tremblay Max. Donc, là-dessus, je réponds généralement dans la seconde qui vient. Sinon, j'ai tous les comptes officiels de mon site Épée Légendaire. Donc, je vais vous rediriger tout simplement sur épéelegendaire.com pour retrouver tous les liens de tous les réseaux sociaux. Et évidemment, sur windowsquebec.com avec tous les réseaux sociaux qui vont avec aussi. Excellent. Salut bien, Maxime. Merci beaucoup. Bonne fin de show, les gars. Salut, bye, merci. Ben, parlant de iPhone, cette semaine, Apple a lancé une petite mise à jour pour l'iOS 6.1.4 pour iPhone 5 uniquement. C'est pour améliorer le profil audio pour les mains libres ou les trucs comme ça. Les appels mains libres parlent au haut-parleur de l'appareil. Il n'y a rien qui parle d'amélioration de la qualité, mais le profil audio a été modifié. Oui, c'est ça. Fait qu'on sait pas plus c'était quoi. C'était 11 megs la mise à jour. Mm-hmm. Hey, le pire dans ça, là, j'étais en temps. Je reçois la mise à jour, 11 megs.5. OK. Vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi pour faire votre mise à jour. Hey, le câble, c'est 11 megs, c'est pas 50. Fais-les. C'est comme... Voilà. Mais il y a probablement, en fait, on le sait pas, Apple nous cache des trucs des fois dans ce genre de mise à jour-là. Il y a peut-être une ou deux mises à jour de sécurité qui ont été faites là-dedans. La prochaine nouvelle, en fait, c'est une nouvelle qui est super intéressante. Le seul problème, c'est que ça ne s'adresse pas à nous autres. Non, jamais. Non, voilà. Parle-nous de ça. Okay, ouais. Apple lance un décompte vers 50 milliards d'applications téléchargées sur l'iTunes Store. Une autre carte de 10 000 $ à celui qui le téléchargera. Un chanceux chinois là, qui va sûrement télécharger. Une application de pète. Ou... C'est toujours ça. C'est toujours un chinois qui gagne là, maintenant qui ont tous des iPhones et tous des appareils iOS. Mais la différence cette fois-ci, c'est que les 50 personnes qui vont télécharger les 50 applications suivant la 50 milliardième application vont recevoir chacun une carte cadeau de 500 $. Mais pas s'il est québécois. Probablement pas, parce que c'est... Non, c'est écrit. Si tu vas dans les règlements du concours, c'est écrit. Les Québécois peuvent pas. Fait que moi, la journée où la nouvelle est sortie, à peu près tout ce qu'il y a de médias au Québec a fait buzzer la nouvelle. Puis j'étais comme, « Hey, vous pouvez pas gagner. » Ouais, c'est ça. Arrêtez, ça sert à rien. t'es au Québec, il y a une couple de Français qui te lisent, mais ils lisent plus les sites français. Arrête d'en parler, il n'y a personne ici qui va gagner ben non, ça. Non, c'est ça. C'est géré par la régie des jeux et de la loterie. Et voilà. C'est ça. Et voilà. Est-ce que t'aurais, est-ce que quelqu'un de vous aurait 600 000 $ de spare change? J'aimerais ça aller prendre un café avec Tim. Je vais aller voir mes REER. Laisse-moi le temps. Tes REER et ceux de toute ta famille et de toute ta descendance. Oui, c'est ça. Oh boy, ma descendance. Ouais. On n'ira pas prendre de café avec Tim Cook. Donc, dans le cadre d'un enchère sur le site Charity Buzz, si vous faites charitybuzz.com/Tim Cook, en fait, l'enchère est terminée à l'heure actuelle, je pense. Non, il reste une semaine encore. Oh, il reste encore une semaine et on est toujours à 600 000 $ 605 000 $ OK. Est-ce que c'est la vraie? Parce qu'on sait que quand ils se sont rendus à 600 000, c'était une carte de crédit volée. Mais là, ils ont mis un message. Tu peux plus passer directement par le site web pour miser. Il faut que tu téléphones puis ils font des vérifications avant de faire afficher la mise, là, finalement. Ah, c'est pas si pire. Au moins, ils font une couple de... Mais quand j'ai vu ça, moi aussi, la carte de crédit volée, il fallait passer à... Non, mais hey, c'est qui le câble qui a une carte de crédit? Tu te rends devant Tim Cook avec une carte de crédit volée, t'es comme... Non, mais c'est qui a une limite de 600 000? Les Black... American Express, il n'y a pas de limite, là, mais j'imagine que quand tu fais autoriser une transaction pour 600 000, tu dois recevoir un appel. Je sais pas. Moi, j'utilise ma carte aux États-Unis, puis il commence à se demander wow, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis là, avec sa carte. C'est comme la limite sur cette carte-là, c'est 602 000. T'es correct. Mais sur le même site, Charity Buzz, vous pouvez aussi vous acheter, je pense que c'est pas cher, c'est 10 000 $ un avant-midi avec Alec Baldwin. Fait que là, j'ai envoyé le tweet à Louis Morissette. J'ai dit, appelle donc Geneviève Sabourin. Ben ouais. Tu pourrais peut-être c'est y offrir, ça serait écœurant. Achète-les. C'est ça qu'il m'a répondu, en fait. Il dit, je vais l'acheter puis je vais y donner. Ça serait vraiment drôle. Là, réglez vos problèmes. Là. Ben ouais, c'est ça. Tu sais. Parlez-vous. Là, devant un café. Voilà. Bon. Sinon, le département de la Défense accorde à IOS 6 une attestation de sécurité lui permettant d'être utilisé par les organismes gouvernementaux et par Jack Bauer. Donc, voilà, ça veut tout dire. Et c'est, je pense, une semaine après que Samsung ait reçu la sienne. Hein? Ouais. Plus de BlackBerry à la Maison-Blanche. Ouais. Ça va maintenant être des appareils iOS et des appareils Samsung. Je pense, en fait... On avait parlé il y a 2-3 podcasts avant de combien qu'il y avait une machine... Oh, il y en avait une couple de 100 000. Il y en avait une couple de 100 000 d'iPhone au Pentagone, toutes ces affaires-là. Fait que ça va faire tching, tching. Si on se fait à la télévision américaine, les gentils ont toujours des produits Apple et les méchants sont toujours avec une autre cochonnerie habituellement d'elle. donc, ça veut dire que les démocrates vont probablement avoir des iPhones et les républicains vont probablement se retrouver avec les Android puis les autres scrap phones. Est-ce que tu peux faire n'importe quoi avec Android? Là, tu peux pirater n'importe quoi. Ouais, tu te fais pas checker par le gouvernement. Non, tu peux croire en ce que tu veux. Pas d'évolution. Ouais, mais je pense que, par exemple, si on parle côté croche, on avait vu les dernières semaines que personne n'était capable de décrypter les messages iMessage. Oui. C'était tellement bien encrypté que même le FBI n'était pas capable. Ouais, mais la dernière fois qu'ils ont fait c'était la CIA ou Homeland, là, je me souviens plus. Mais la dernière fois qu'ils ont fait ça, ils ont fait comme « Oh non, on est... » En fait, c'est plus de dire « On n'est pas encore capable. » Mais ça veut juste dire que c'est comme un gars, probablement, dans cette entreprise-là, puis il y a probablement un boss qui est venu comme mettre sa main sur son dos, puis il a dit « Non, non, mais... » Il a fait « Hein? OK. » Ils se sont retournés, puis 10 minutes après, il l'avait. C'était correct. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. Voilà. Sinon, à la fin du mois, il y aura une conférence « All Things Digital » et Tim Cook y sera. Tu peux nous en parler, Jean-Michel? En effet, oui. Ben ça, All Things Digital, qui est la 11e édition, je crois, cette année. C'est une conférence où plusieurs dirigeants d'entreprise sont invités et puis viennent parler de leur vision personnelle du monde de la technologie, finalement. Donc, Ils se font interviewer par Walt Mossberg, je crois, et une autre... une autre journaliste dont j'oublie le nom, mais Steve Jobs était allé à l'époque, ça avait donné des entrevues très intéressantes. Moi, qui avait été avec Bill Gates aussi, oui. Il avait fait une entrevue en même temps que Bill Gates. D'où le même, où est-ce qu'ils rient tous les deux, qu'on voit très, très souvent. Ouais. Genre, on a la moitié du monde chacun, puis c'est très drôle. On fait ça. Finalement, c'est Tim Cook qui est invité à cette conférence-là. C'est pas Tim Cook qui va représenter Apple. Tim Cook va représenter ses intérêts personnels. OK, excellent. Il n'y aura pas d'annonce de produits, il n'y aura pas... Rien de ça, non. Non, évidemment, il ne va pas se scraper le show qui va se passer comme une dizaine de jours plus tard. C'est donc, ça, ouais. Mais ça risque d'être intéressant, puis ça va nous amener tranquillement à la WWDC. Mm-hmm. Sinon, Rogers voudrait lancer un service faisant compétition à Netflix. C'est comme, oui, c'est où est-ce qu'était ce monde-là? Comme, ça fait quoi? Ça fait 7 ans, Netflix, comme faux? Ah, c'est vieux, Netflix. Ouais, au Canada, peut-être 2-3. Ouais. 3 ans, mais 3 ans, ouais. Mais c'est vieux, Netflix, là. C'est comme... Mais on sait, des DVD, ouais. Rogers est câble distributeur, là, comme Vidéotron en Ontario puis dans le reste du Canada. Vidéotron vient de sortir le Club à volonté, qui a eu... Très bien testé. Apparemment, les gens aiment ça, là, parce que ça, c'est toujours en vente, c'est toujours en expansion. Là. Moi, j'ai pas aimé ça. Mais Rogers voudrait sortir un service similaire pour ses abonnés et puis peut-être les abonnés là, du reste des personnes du reste du Canada qui ne sont pas abonnés à ces services où on pourrait faire l'écoute de vidéos là, directement sur Internet, des films. Ça me fait penser, en fait, je crois qu'on ne l'a pas cette nouvelle-là, mais il y a un service aux États-Unis qui fait grand bruit actuellement qui s'appelle Aereo, si je ne me trompe pas, ou Aereo. En tout cas, vous le cherchez sur Google, vous allez trouver. C'est une compagnie qui utilise en fait les ondes hertziennes pour capter la télévision dans différents marchés et qui redistribue via Internet. C'est une espèce de PVR, mais c'est tous eux autres qui s'en occupent. Et tu peux aller écouter les émissions que tu veux, changer de channel, écouter les émissions live. Et leur concept en fait de vente, c'est que tu as un service qui est gratuit. Fait que tu peux écouter la télévision là. Ou tu as un service qui est un petit peu plus cher, puis tu peux enregistrer tant de télévision avec un range de 40 heures. C'est-à-dire que tu peux retourner peut-être 40 heures en arrière. C'est-à-dire que tu enregistres une émission, puis tu as 40 heures pour l'écouter. Fait que ils se font poursuivre, en fait, partout aux États-Unis. Ah ouais? Le problème, c'est qu'ils gagnent tout le temps. Parce qu'ils utilisent les ondes hertziennes qui sont gratis et ils utilisent plein de petites antennes. Ils captent ça et ils distribuent ça. C'est quoi? Je connaissais pas ça. Je suis sur le site présentement. Dans les 2 semaines qui viennent, là, j'essaye de m'abonner. Je teste le service là, puis je vous en parle le plus là, à la prochaine édition là, du podcast. Excellent. Ouais. Je n'en attendais pas moins de ta part. Il faut que tu passes par un VPN, d'après moi, pour aller là. C'est déjà fait, d'après ça. D'après moi, ouais, c'est ça. Sur mon ordinateur, il n'y a pas de limite géographique là, nulle part. C'est là. Ça. Sinon, eh bien, on va passer au segment en route vers le WWDC, mais avant ça, un mot de notre ami Bernard. Ah. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. C'est drôle, je parlais à Bernard cette semaine, puis j'ai dit « Hey, on a un numéro de téléphone. » Il fait « Ah, vous avez un numéro de téléphone? » Je dis « Oui, on a un numéro de téléphone. » Je dis « Ben, je vais refaire l'introduction. » Il ne l'a pas encore fait, mais ça s'en vient. Non, mais c'est ça qu'il vient de dire dans le chat. Il dit « Ah, merde, ça, c'est vrai, je devrais refaire ça. » C'est drôle, en fait, à chaque émission, il fait comme « Ah non, ça ne sonnait pas bien, je vais le refaire. » D'ailleurs, on a la voix du Québec. T'sais. On a la voix du Québec, et d'ailleurs, la voix du Québec sera avec nous le 10 juin à la WWDC. En direct avec nous? En direct, live 17. Ah bon, merveilleux. Excellent. Wouhou! Et je te dis, je pense qu'on va coucher ici tellement qu'on a d'affaires à faire. Je pense qu'on va coucher dans le bureau qu'elle a. Une douche, tout. On va se faire du bacon le lendemain matin. Il y a le faux, il y a tout de suite. Il y a tout ce qu'il faut. On en était... qu'est-ce que je voulais dire à propos de WWDC? Non, en fait, je voulais dire que on va... Attends, là, c'est... Oui, c'est ça. Le numéro de téléphone va être ajouté dans cet indicatif-là. Et pour ceux qui nous écoutent, en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur iTunes et laisser un petit commentaire pour nous. Sur iTunes directement. Puis c'est ça, au WWDC, le 10 juin, on va... activer le téléphone, le lien téléphonique. Oui. Si le monde a des questions à propos de la conférence, parce qu'on sait tout le temps que quand ça tombe côté technique, tu sais, d'un appareil quelconque, un iPhone, un iPad, un Mac, tout le temps poche. C'est pour ceux qui s'en foutent du modèle qui vont avoir de l'intérieur du processeur. Fait que s'il y a du monde qui ont des questions à propos de la conférence. J'imagine qu'avec le nombre d'auditeurs qu'on attend, on va avoir du matériel. Si les gens participent à la ligne téléphonique, on pourrait même faire un segment ligne ouverte là, à la fin où on reçoit là, un appel après l'autre. Tu créeras même pas ça le monde qui peut nous écouter cette journée-là, toi. Ouais, ça va être ton premier. Ton premier ça. En espérant très, très fort, et je pense qu'on va communiquer avec une gang de hackers pour qu'ils fassent planter Apple, pour qu'ils puissent pas diffuser directement. Ils nous avaient joué le coup au iPad mini. Ouais, là, j'ai hâte de voir parce que je pense qu'ils ont mis la fenêtre dans l'Apple TV le matin même de la WWDC. J'étais chez nous, j'avais ouvert l'Apple TV puis pouf, le petit logo est apparu. Mais c'est pas le même genre non plus de présentation. Mm. Ça s'adresse vraiment aux développeurs. Donc, habituellement, là, c'est... ah oui, j'aurais pu ne pas payer 1 600 $ rester bien chez nous, puis vous l'auriez diffusé. D'habitude, les développeurs vont pas là juste pour voir Tim Cook là, la première journée. Ils vont là pour ce qui suit là, dans les 5 jours après, là, qu'on n'a pas le droit de diffuser. Là, mais exactement. Le contenu là, pour eux. Puis c'est pour ça en fait que Vincent y va. Mm-hmm. D'ailleurs, en fait, les billets pour la WWDC se sont envolés en moins de 2 minutes. Je me souviens, il y a à peu près 2 semaines de ça, quand ils ont été mis en vente, on a un petit peu capoté. C'était une journée assez pénible pour Mac Québec. À 13h, Vincent était devant son ordinateur et il dit « OK, c'est maintenant ». Clac, commence à remplir son profil, revient dans le chat. Puis là, il y a un gros sac en capital qui est là. On fait « Quoi? Kim est là. Moi, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « C'est sold out. Mm. » Puis nous autres, l'année d'avant, ça avait pris 2 heures vendre au complet, ce qui était quand même assez rapide. L'année d'avant, ça avait pris 8 heures. L'année d'avant, ça avait pris 12 heures vendre la WWDC. Là, il nous écrit le gros mot dans le chat 1 minute et demie après que ça a été mis en vente. Et là, ben on fait... On capotait. On avait eu les sous. On pouvait acheter les billets. Mais là, on n'était pas capable, le site avait planté. Donc, on s'est retroussé les manches, puis il y a eu d'autres occasions, en fait, d'avoir des billets. On aurait fait une demande, en fait, pour une passe média. Ça aurait pu fonctionner, ça aurait pu ne pas fonctionner. Mm-hmm. Et il y a aussi, en fait, Apple qui a offert 150 billets pour la WWDC à des jeunes développeurs. Et il s'avère que c'est ce qu'on a, un jeune et très talentueux développeur, en l'occurrence Vincent Miller. Et Vincent, il s'est dit, on aurait pu se laisser abattre et tout ça. Il a décidé de retrousser ses manches et de se dire, bon, on va regarder qu'est-ce que c'est. Jean-Michel est venu, il a dit, les règlements, c'est ça, il faut que tu fasses une application. Il fallait faire un genre de CV en application. Il fallait présenter ses talents, ses ambitions, son parcours finalement de développeur, puis impressionner Apple, puis se démarquer finalement des nombreux autres jeunes développeurs qui vont participer. Y avait-tu un range d'âge? Il fallait être étudiant. Ah, étudiant, OK. Mm-hmm. Fait que Vincent était parfaitement là-dedans, puis on aurait pu passer par ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'est pas, à l'heure actuelle, en train de travailler sur une application pour avoir comme un deuxième billet, mais ça ne servirait à rien. Il ne pourrait pas comme faire passer. Non, parce que c'est Vincent Miller, puis moi aussi. C'est un billet par user. Exactement. Donc, on se disait ça, et un peu plus tard dans la journée, Kim revient et elle dit sur le chat, je viens de recevoir un téléphone de Santa Fe, en tout cas, Santa quelque chose, ça sent Californie, puis elle donne le numéro de téléphone. Là, je fais, OK, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas répondu, ils parlent anglais. Là, je vais vous épargner le reste de ce qui s'est passé dans le chat. Oui, c'est comme... J'ai téléphoné. Et effectivement, ça répond, puis c'est Apple. Puis je suis comme, je capote, je suis au téléphone, puis je suis comme, OK, passez-moi quelqu'un, on vient de téléphoner, le numéro de téléphone, c'est ça. Le gars, il est dans son bureau, ils sont 400, tu sais, au téléphone autour de lui. Il est comme, non, je peux rien faire pour toi, check le message qu'on t'a laissé. Et là, en fait, le message qui a été laissé est en anglais. Kim est dans un centre commercial, elle demande à tout le monde autour, hey, pouvez-vous me traduire ça en français? Elle tombe juste sur du monde qui parle et anglais et mandarin, fait qu'elle peut pas comprendre. Et manger des sushis. Puis là, finalement, elle se souvient de son code pour avoir accès à sa boîte vocale. Fait qu'elle me le donne, j'appelle, puis ça dit, salut, c'est Apple, on appelle pour Vincent Miller. On a vu ce matin que vous avez essayé d'avoir un billet. Puis là, je m'attends à on est bien désolé de ça, puis ciao, bye. Et le gars, il dit, on a un billet réservé pour vous. J'étais chez nous tout seul, je vous jure, j'étais en train de brailler, parce que je savais que Vincent s'en allait à San Francisco à ce moment-là. C'était écœurant. Puis là, je l'écris dans le chat, tout le monde est, Vincent, tu vas à San Francisco? Ah ouais, il était pas Vincent, là. Vincent, il est chez eux en train de courir, il s'est pas dérangé par son téléphone, puis tout. Puis il revient un peu plus tard, puis il fait comme, il voit, il y a 100, ah ouais. Il ouvre son téléphone, il y a 102 iMessage qui kick in. Puis il fait comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Y a-t-il une bombe? Fait qu'il commence à lire. Puis il se doute, mais il veut vérifier. Fait qu'il m'appelle, puis il fait comme, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Vincent, tu t'en vas à San Francisco. On a le billet. Apple vient de rappeler. D'ici 12 heures, tu vas avoir ton billet. Et en fait, c'est drôle parce qu'il l'a tweeté, puis il s'est retrouvé dans The Registered. Ça, la nouvelle a été repris à quelques endroits. Donc, il y a certains développeurs qui ont été contactés par Apple et se sont vus offrir des billets en raison d'une erreur dans le système de mise en vente. Ce que je pense, moi, c'est juste qu'il y a eu un DDoS, le système qui a crashé. Puis, ils ont pris comme ceux qui étaient sur le site à ce moment-là. Mm. Ils les ont contactés puis ils ont été obligés de faire la vente manuelle. Mm-hmm. C'est probablement ça qui a dû se passer. As-tu la version intégrale du message? Tu me l'avais envoyé par... Oui. Ah, tu peux la diffuser. Vas-y, on écoute ça. This message is for Vincent Miller. Vincent, we're contacting you from Apple Developer Program Support. I want to thank you for your interest in WWDC 2013. We saw that you tried to buy a WWDC 2013 ticket and were unable to complete your purchase. We do have a ticket reserved for you, so we'll be sending you an email with instructions on how to complete your purchase within the next 12 hours. If you have any questions in the meantime, please let us know by sending an email to wwdc@apple.com. Thank you very much. Fait que j'étais chez nous, puis je capotais assez solide. On était très enflammés, très émotifs. Fait que on était bien contents. Donc, je l'ai enregistré pour comme, garde, je te niaise pas, Vincent, là, tu t'en vas. Ouais, c'est ça. Fait que c'était très drôle. Cette journée-là, on va commencer vers midi environ. C'est comme à une heure, c'est à une heure. C'est à une heure, mm-hmm. Puis on devrait commencer vers midi à diffuser. Ce que je vais essayer de faire, honnêtement, c'est que ça devienne un powwow, un gros war room, mm-hmm. Et d'inviter tout ce qui ne va pas au E3 ou au WWDC de journalistes, qu'on les invite en fait à venir chez Clickpom. Il y a des bureaux, vous vous asseyez. Vous faites vos nouvelles, mais vous allez recevoir en fait l'information un peu en même temps que nous autres, tout ça. Puis on va mettre des micros, il y aura du monde qui viendra. On va faire quelque chose de très, très convivial, en fait. Puis c'est un peu la vision que j'ai de ça. Il y a Bernard qui va venir avec nous, qu'on sort pour les grandes occasions. Voilà, donc... Il y aura la voix du Québec avec nous. Jean-Michel va être là, JF va être là. Moi, mes patrons sont avertis. Ils sont très contents de ne pas me payer cette journée-là. Non, c'est pas vrai. Bernard, il dit la diffusion vers midi, mais la préparation à 6h du matin. Ouais, top chrono, il va nous réveiller. Salut, levez-vous! T'as-tu les fils? Oublie pas ton micro! Fait que, non, je pense que... Il va falloir amener des micros de plus. Un, deux, trois. On a trois, il va falloir en avoir peut-être un de plus. On a trois, mm-hmm. Ouais, un micro de plus. Bernard va amener le sien. Peut-être un micro, deux micros. Un, deux micros, ouais. Ouais, asseoir quelqu'un. Ouais. Voilà, amener des micro-casques. Ouais, il va nous amener ça. Ce serait cool si quelqu'un... Des gros casques, comme Motorola, quand tu couvres les événements sportifs à TV avec le gros micro. Ouais, oui, les affaires de la Coupe Rogers. Là. Motorola, quand tu es sur la ligne de touche au football avec le gros micro devant toi. Ou encore des petits lavaliers là, qu'on peut mettre avec le pack en arrière de notre ceinture. Ça pourrait être chouette. On n'aurait pas tout ce matériel-là devant nous. Ouais, donc, le micro sans fil. Là. Voilà. Bon. On continue en nouvelles. On est rendu au spécial iOS 7. Oui. Mm-hmm. Excusez, j'étais trop détendu trop bas. Jonathan Ive est en charge, comme on sait, il a été mis en charge de iOS 7 depuis l'année passée. En fait, il était en charge du design logiciel autant que du design des machines. Donc, en fait, il contrôle pas mal tout ce qui est apparence. Apparence, ouais. J'ai hâte d'avoir le calendrier, oui. Ben le calendrier, fait, le bloc-notes, toutes ces affaires-là. Il n'y aura plus de cuir, il n'y aura plus de... J'ai bien hâte d'avoir, moi. Il va se débarrasser du skeuomorphisme et c'est pas le mentor de Neo dans la matrice, le skeuomorphisme. C'est le fait, en fait, d'utiliser une allégorie ou une métaphore de, du monde réel pour mm-hmm. aider les gens à utiliser ou à accepter en fait un logiciel plus facilement. Donc, le fait de ben, un cahier de notes, c'est un pad avec des lignes. Mm-hmm. Puis, pense à Game Center, qui est une table de poker là, avec le petit côté le brun, là, puis le tapis là, dans ouais. le centre. Puis, ouais. Dans ce que tu viens de dire, il y a comme plein de bonnes raisons que personne ne l'utilise pas, cette affaire-là. Là, ouais. C'est assez useless. Oui, merci. Oui, ça met de la couleur, mais c'est... C'est tout, c'est juste ça. Ça enlève du sérieux aussi, je trouve. Effectivement. Donc, en fait... c'est sûr que depuis 6 mois, en fait, Johnny Ive doit travailler comme un malade mental. Mmh. Ils doivent lui donner une drogue expérimentale pour plus qu'il dorme depuis ce temps-là. Sauf que ben, c'est sûr qu'il va enlever beaucoup de ça. Il va aplatir l'interface de iOS 7 qui devrait, en fait, redevenir un petit peu plus standardisé. Maintenant, there's so much he can do in 6 months. Ouais, c'est ça. Donc... Je suis pas sûr. En fait, il y a comme des rumeurs un peu partout qui sortent. Ça va être en retard, ça sera pas en retard. Ils ont pris des ingénieurs sur 10.9, ils les ont mis sur iOS. Cette histoire-là, ils nous l'ont déjà sorti à 10.6 ou 10.7, puis à iOS 3 ou 4. Là. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on répète un pattern chez Apple? Je suis pas certain. Tu posais la question tout à l'heure, Jeff. Coudon, il n'y a personne qui travaille là-bas. J'ai dit qu'ils sont 3-4. C'est ça. En fait, ils ne sont pas 3-4, mais les équipes d'ingénieurs chez Apple travaillent un petit peu comme si c'était encore une start-up. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme plusieurs niveaux que tout est en charge de tel module. Les gens travaillent en groupe. Ils s'occupent de tout leur truc. Donc, c'est sûr qu'ils sont, pour la job qu'ils ont à faire, ils ne sont pas beaucoup, effectivement. Donc, ça se peut qu'ils aient pris du monde. Mais encore là, c'est des spéculations. Apple ne communique pas là-dessus. Non, jamais. Voilà. Ils vont-tu nous sortir un nouveau connecteur? Non. Oui, puis ils vont te le vendre 20$. 20$! D'ailleurs, on va-tu sortir la sonnerie de téléphone 20$? Ah, je peux la faire, ça me dérange pas, moi. Je m'en vais, moi. Je m'en mets. Va chercher le rap de l'Auto-Québec, bling bling, puis ouais. Mets 20$ là-dessus. Ah, si, va bon, faire je vais bonne. L'essayer, je vais l'essayer. Je suis sûr que ça va marcher. Ah oui, je vais monter ça, je vais essayer ça. Sinon, messieurs, on est rendu à ce segment que jamais personne m'a écrit un email pour me dire « Hey non, c'est super intéressant, continuez ça. » C'est le segment découverte et application. j'en ai pas plus. T'as pas de pub? On n'a pas d'autres. Ah, bon. Il va y avoir une grosse commande de pub de passer à Bernard. Donc, Google qui lance le service Google Now sur iOS. Et ça a fait pas mal jaser, en fait, dernièrement. iOS qui devient de plus en plus Google, un Android. Android. C'est à peu près tous les services sont là, un ça Android fonctionne. Avec plusieurs mois de délai. Là, les nouveautés sortent sur Android, puis 8-9 mois plus tard, là, ça sort sur iOS. C'est vrai que Google Now s'est sorti quand même sur le S3. Mm-hmm. Ça fait donc, un an, quasiment. Ça fait un an. Et est-ce que toi, tu les avais essayés sur le S3? Moi, je l'avais essayé sur le S3. C'est une des fonctionnalités que j'ai le plus aimé, justement. Puis j'étais content de voir que ça sortait sur iOS. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ce que je savais que ça n'allait pas être aussi intégré à la base du système que sur Android. Mais les fonctionnalités allaient être similaires. C'était facile pour moi d'aller ouvrir l'application Google quand j'en avais besoin. Mais il y a quelqu'un, justement, j'ai écrit un article sur Mac Québec qui complimentait là, finalement Google Now, là, qui disait que j'aimais bien ça, mais il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que le GPS était constamment utilisé sur Google Now sur iOS. Quelque chose que j'avais pas remarqué. Pour savoir dans quelle direction tu t'en vas, est-ce que tu t'en vas vers ton travail, est-ce qu'on a besoin de te montrer la carte de la direction vers ton travail, est-ce qu'il y a du trafic, est-ce que si, est-ce que ça. Donc, ça active tout le temps. Et il y a des gens qui se sont plaints de la consommation de batterie. C'est pas activé juste quand tu rouvres l'application Google, non. Le temps que ça load les informations, c'est vraiment activé 100% du temps. Dès que tu as activé Google Now sur l'appareil, le GPS va être sollicité constamment, même si Google n'est pas là, dans la barre multitâche, n'est pas ouverte. Et pour aller le fermer, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On va aller carrément désactiver Google Now, mais là, ça ne fait pas juste désactiver une partie de Google Now. Ça fait pas juste désactiver la partie de Google Now qui prend les données de localisation. Ça désactive totalement Google Now, même s'il y a certaines cartes qui ne se basent pas sur l'emplacement où tu es, qui se basent juste sur tes emails, par exemple, ou bien ton historique de recherche. Ah oui? Mm-hmm. Ouais, OK, donc soit que tu acceptes que ça bouffe toute ta batterie, c'est ça. Soit que non. Ouais, c'est ça. Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est que Google a été affirmé qu'il n'y avait pas de problème avec l'application, donc il n'y aura sûrement pas là, une correction là, pour ça dans la prochaine mise à jour là, de l'application Google. Puis pourtant, sur Android, le GPS n'est pas sollicité 100% du temps. La batterie ne se consomme pas plus vite à cause que Google Now est activé. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Fait, est-ce que c'est un cheval de Troie qui ont voulu comme mettre puis ils disent « Non, c'est pas censé toucher à la batterie, mais finalement, ça la draine. » Puis ils vont pouvoir dire « Ben, regarde, c'est de la marque de GPS. Là-dessus, achète un Android. » Ou il y a un petit problème. Ils vont le régler comme ça. Ils vont dire « Oui, c'est une patch du profil... audio pour je sais pas quoi. Non, mais je veux dire, tu sais, on sait que c'est pas super intégré Google dans iOS. C'est peut-être ça aussi le problème, tu sais. Je veux dire, sur Android, ça teint peut-être pas de jus parce que c'est à eux autres le système. Là, ils font ce qu'ils veulent avec, mais tu sais, c'est une application. Je sais pas comment ils ont passé pour à l'intérieur pour. Tu sais, même si l'application est fermée, que le GPS reste tout le temps allumé, là, ça, je sais pas en tout, tu sais, qu'il n'y a plus d'application active. Le GPS reste allumé, là. Ça, c'est débile, là. Tu sais, la seule application qui fait ça, c'est Passbook. Si tu le désactives ouais, mais pas, c'est encore là, c'est quand tu rouvres ton appareil, là, quand, mettons ton appareil est en veille, quand tu le rouvres, ça va vérifier la localisation GPS, mais ça le vérifiera pas à intervalles réguliers quand ton appareil est fermé. C'est ça. Mais c'est un peu bizarre. En tout cas, je sais pas comment ils ont fait pour passer ça, mais vraiment... Puis il y a du monde, en fait, dans le chat qui disent que la batterie n'est pas très affectée. Puis il y a Bernard, en fait, cette semaine, qui me dit « Hey, y a-t-il quelque chose qui s'est passé? La batterie de mon téléphone est drainée là, à fond. » Puis en fait, moi, ce que j'avais vu sur Internet, c'était pas de désactiver au complet, c'était juste d'aller dans le truc de confidentialité et de fermer la switch de localisation. Puis à ce moment-là, ça devait régler le problème. Puis Bernard nous dit en tout cas que pour lui, ça l'a réglé. Ouais, moi, mais sauf qu'il se localise plus. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, il fonctionne plus, là. Ouais, c'est ça. Il fonctionne. Ouais, c'est ça. Il est fucking, là. Ouais. C'est parce que les cartes dans Google Now, t'as comme 95% qui sont basées sur la localisation, puis l'autre 5%, c'est purement basé sur ton historique. Mm. Mais même à ça, t'en as qui utilisent ton historique et la localisation, là. C'est dur, là. Puis, ce qui se passe, moi, en fait, ce que j'ai l'impression, parce que il y a souvent des gens qui vont dire non, ça touche pas, oui, ça touche la batterie. Moi, j'ai l'impression que quand tu as des notifications ou quand tu as de la localisation, ça marche sur 7, 8, 12 applications. Puis dès que tu passes un certain montant, dès que tu en actives une 14e ou une 15e, même si c'est un espèce de jeu qui n'a pas besoin pantoute de la localisation, on dirait qu'à ce moment-là, il y a comme trop d'applications qui... Fait qu'il faut vraiment les choisir spécifiquement. Puis de temps en temps, aller faire un tour, en fait, dans localisation. Je pense que ça se trouve dans notification. Dans confidentialité, la localisation maintenant. Là, c'est OK. Non, mais pour enlever les notifications d'application. Non, pas les notifications. Vraiment, jouer avec la localisation. Oui, c'est dans confidentialité. Ouais, paramètres, confidentialité, puis location services, ou bien service de localisation en français. Excellent. Sinon, en fait, Google Now va être aussi sur Macintosh. Va être disponible grâce à Chrome. Éventuellement, oui. Je ne sais pas comment ça va être intégré. Si ça va être intégré au site Google ou bien si ça va être un ajout sur Chrome. Là, mais c'est sûr que l'utilité de Google Now, c'est avoir tes informations en tout temps, peu importe où c'est que t'es. L'ordinateur est un peu moins mobile que le téléphone, par exemple. Donc, je ne verrais pas l'utilité de voir une carte là, sur mon iPhone qui me dit là, que dans 24 minutes, je vais être chez moi ou bien que dans ça va me prendre là, 25 ce aller... Ce qu'ils peuvent peut-être faire, par exemple, c'est dire « Garde, t'as un rendez-vous à telle place, à tel moment. Ouais. » D'habitude, tu te déplaces en métro. Puis là, ben le chemin en métro que je calcule, tu n'y arriveras pas à l'heure. Fait que va-t'en donc tout de suite. Mmh. Fait que ce genre de truc-là pourrait être fait. C'est un système qui est quand même assez intelligent. Très intelligent. Google Now. Mmh. Avez-vous vu... les Google Glass, le monde qui ont testé à date, les Google Glass là, qui ont payé 1500$, là, ouais. Ça a l'air que c'est pas vergeux, hein? Tu trouves? Au niveau de la batterie, moi j'ai vu que c'était pas super la cool. Batterie et le visuel de l'écran ouais. Que tu peux pas changer. C'est de base, c'est comme ça. Tu peux pas la modifier. Tu peux pas jouer avec la caméra de l'œil droit en haut à gauche, tu peux pas la mettre en bas à droite, mettons. Tu Ouais, ben, c'est un produit qui est encore en bêta. Oui, ce qu'ils font là, c'est pour recueillir des commentaires. C'est des ça, c'est ça, Google, hein, c'est ça Google, ce sont que Google, les utilisateurs Google se sont plaints, mais sauf que moi, ce que j'ai lu, il y a un journaliste en fait qui est très très à Apple, qui s'appelle Robert Scoble, de Scobolizer, et le gars veut plus les enlever. Il a posté une photo de lui dans la douche avec ses lunettes. Il veut plus vivre sans avoir une paire de Google Glass d'en face. Et, c'est dangereux, là, ça. Là. Ça, c'est un cas de on va tout être de même quand ils vont sortir. T'inquiète. On va mettre une montre, on va mettre des lunettes, puis on va tout se filmer. On va devenir le Little Sister. C'est un opposé du Big Brother. Ouais, ouais. D'ailleurs, en fait, la ville de Las Vegas au complet, je pense, ça dit comme non, mais ces lunettes-là, ça rentre pas ici. tu regardes ça d'un côté, ça fait peur. Parce que tu vas dire, le monde, c'est parce que tu n'auras plus de vie, là. Tu n'auras plus de vie privée, là. Tout va se retrouver sur Internet, où ce que tu vas. Mm-hmm. Google va tout savoir ce que tu fais. Chaque personne qui a des lunettes. Tu sais, pas juste Google, là. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a les Sony, il y a les Samsung. Ouais. Tout le monde est en train d'en faire une paire de lunettes, là. Mais sauf que... Mais là, on dit, ils vont le savoir, ils le savent déjà avec Google Now. Là, avec, et... ouais, Google Now ou Chrome. Mm-hmm. Dès que tu te logues à quelque quoi, chose là. De Google, oublie ça. T'sais, ils savent où tu es, là. Ils savent t'es dans... En tout cas. Moi, ça a toujours été mon problème avec Google. Les gens qui disent, oui, mais les téléphones Google sont moins chers. Oui, mais Google, c'est supérieur, c'est open. Regarde, ils se sont mis une étiquette open, mais les téléphones les plus Google qu'on peut trouver, ce sont les Nexus. Puis c'est l'expérience comme ça. Et c'est une batterie qui est fermée. Si je ne me trompe pas, le Nexus 4, c'est une batterie fermée, non? Je pense que oui. OK. Mm. Tu sais, ça ressemble beaucoup à l'expérience que Apple va proposer sur leur téléphone. Sauf que le modèle d'affaires de Google, c'est pas le modèle d'affaires de Apple de te vendre un cossin. Tu leur as donné 900$, puis tu as une galette qui vaut 450$ dans les mains, puis ils font 50% de profit dessus. Le jeu de Google, c'est de te vendre un téléphone qui coûte 200$ à créer, te le mettre dans les mains pour 200$, puis d'avoir toute l'information qu'ils peuvent accumuler. En fait, c'est ce que Batman a fait dans le deuxième Batman avec son espèce de sonore, de pouvoir savoir ce que le monde exactement. Fait partout avec c'est les téléphones Knight, cellulaires. Ouais. Si je pense un exemple propre à Google, pourquoi penses-tu que la recherche vocale Google est si avancée? C'est écœurant. C'est parce que ça fait quoi, 4 ans, là, qu'ils écoutent des appels téléphoniques gratuits que le monde font à partir de Gmail. Là, voilà. C'est basé là-dessus. Ouais. Là. C'est effrayant. Là. Mm-hmm. Le, c'est vite. Hey, Siri, là, est mieux de gauler bateau parce que tu vas voir. Tu parles avec un gros accent francophone. Ah oui, ça comprend tout. Tu vois le texte, ça l'apparaît au fur et à mesure. C'est super. Parce que dans Siri, tu y parles avec le même accent, puis ça l'apparaît un bloc de texte à la fin qui n'est pas du tout ce que tu as dit. Non, exact. Moi, je me suis obstiné. En fait, je l'ai utilisé pas mal dans l'auto. Pas Siri directement, mais juste l'écriture vocale. Mm-hmm. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien habituellement. Mm-hmm. Puis, je me suis obstiné avec un gars qui a quand même un petit accent quand il parle. Puis, lui, essayait d'écrire. Puis, à chaque fois, ça marquait. Fucking n'importe quoi, il capotait. Fait qu'on riait beaucoup avec ça. Mais il faut que tu y parles quand même avec le petit accent radio-canadien, le français international. Ouais. Tu sais, faut que ça tire un peu de ça ce côté-là. Ça te fait des beaux messages, là, tout bien, avec du beau vocabulaire. Là, tu vas pas l'écrire, une niaiserie, l'examen. Ben, 15, ça marche pas. Non, c'est ça. Voilà. Sinon, il y a quelqu'un dans le chat qui parle de Nexus 4 et de LG. Il y a un truc qui est sorti cette semaine et qui dit, en fait, une étude qui dit que, en gros, dans le monde du téléphone mobile, il y a deux compagnies qui font de l'argent. Apple qui fait, je pense, c'est 60% des profits disponibles sur toute la galette. Mm-hmm. Et Samsung qui doit faire à peu près le 30 à 40% supplémentaire. Toutes les autres compagnies ne font pas d'argent ou en fait, c'est ridicule ce qu'ils font, ça vaut pas la peine en fait d'être sur le marché. Fait que il va peut-être continuer à en avoir, il va avoir des projets faits par LG comme le Nexus 4, des trucs comme ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a ben du monde qui vont disparaître éventuellement là. Nokia, ça va pas bien là, tu sais, cette semaine il y a eu la rencontre des actionnaires, puis il y a comme un actionnaire qui a rappelé au CEO, c'est quand même les résultats qui sont importants. Là. C'est bien beau de faire des alliances stratégiques, d'avoir un produit différent. Puis tout le kit. Cash au bout. C'est ça. Nous autres, on est là pour l'argent. Fait que commence à te mauvais parce que l'année prochaine, ça se peut qu'on pense à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, il y a Rovio, la compagnie qui est derrière la populaire série Angry Birds, qui lance un nouveau service, Rovio Account. Oh, mon Dieu. Ce qui a comme but de synchroniser la progression de l'utilisateur à travers les différentes plateformes. Donc, on sait que jusqu'à maintenant, quand on avait... C'est pas supposé être Game Center qui s'occupe de ça? Oui, ben c'est ça. Je comprends pas pourquoi ils ont sorti ça, parce que Game Center gère tout ça. Là. Mm-hmm. Game Center est supposé. Intégré. Oui, il est supposé, ouais. Mais il n'y a pas personne qui l'utilise. Ouais, c'est, ça, ben, c'est probablement pour ça. Là. Mais là, avec le Rovio Account, tu peux synchroniser là, ta progression là, entre ton iPad, ton iPhone, ton Mac, là, sur toutes les plateformes. Fait que ça va ressembler à genre le système de Gameloft dans leur jeu. Parce que Gameloft ont leur propre système de serveur mm-hmm. intégré à mm-hmm. leur mm-hmm. jeu, mm-hmm. que tu peux te loguer à ton compte, puis tu as toutes les stats, toutes ces affaires-là. Fait que c'est une autre. Non, c'est ça. De toute façon, je joue plus Angry Birds. Moi non plus. Là, j'ai même pas téléchargé la version Friends. Je sais pas trop qui est sortie la semaine passée. Là, la version gratis là, de Angry Birds Friends. Mm-hmm. Je l'ai même pas téléchargé. J'ai joué à Star Wars. J'ai joué peut-être 2 heures. Je joue pas sur mon téléphone. Moi, une des affaires qui m'énerve, justement, c'est que oups, tu joues un peu, là, tu l'oublies. Là, quand tu veux rejouer, oups, t'as changé de téléphone, fait que t'as pas ta progression de game. Fait que ouais, ça, c'est quelque chose qui peut peut-être m'intéresser. Ce qui serait intéressant de savoir, vu que c'est Rovio Account, mm-hmm. probablement que c'est pas juste la série Angry Birds. Ils ont quelques jeux en dehors de ça, entre autres les Bad Piggies. Ouais. Ils ont un autre qui est une espèce de machine mousetrap. Là. Je me souviens plus, en fait, c'est comme The Incredible Machine. Il faut que tu plaques des éléments. Okay, ouais. Puis ça crée une machine de... Je me souviens plus c'est quoi, là, mais il y a un nom pour cette machine-là. Là, des trucs de cause à effet là, qui font tomber finalement une petite bille dans une glissade qui enclenche tel ou tel. J'imagine que s'ils ont développé un serveur là, centralisé là, pour synchroniser, ça va être ajouté. Et si c'est pas déjà fait, ça va l'être là, dans un futur rapproché. Dans toute leur application. Toute leur application. Adobe qui va lancer au cours des prochains mois une application haut de gamme comparable à Lightroom pour l'édition de photos sur iPad. C'est intéressant, ça, comme nouvelle. Oui, on a vu une version là, vraiment très, très bêta, là, un premier jet, là, finalement, là, qui aurait des capacités comparables à Lightroom sur Mac et PC. Donc, finalement, qui intégrerait probablement Adobe Camera Raw directement sur l'iPad, puis qui mettrait pour de faire... l'importation de photos en RAW. Oui, j'imagine que ça va intégrer ça, s'ils appellent ça haut de gamme, parce qu'ils ont déjà Photoshop Touch là, qui fait là, un travail d'édition de photos similaire. Oui. Là. S'ils veulent aller chercher le marché là, du photographe professionnel ou semi-professionnel là, qui voudrait faire de l'édition photo à même son iPad, ça leur intérêt à intégrer ces capacités-là, là, puis les capacités de Lightroom là, qui... Moi, la problématique que j'ai avec les applications photo sur le iPad, par exemple, il y a iPhoto qui existe. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas synchronisé avec le iPhoto sur l'ordinateur. Non, c'est ça l'affaire. Tu te retrouves avec comme deux bibliothèques c'est de ça, photos. Je sais pas pourquoi ils ne mettent pas dans le cloud. Une qui est édulcorée. Je comprends en fait que c'est pour les gens qui n'auraient qu'un iPad et qu'il y aurait quelques photos là-dessus. Pis c'est sûr qu'une application haut de gamme, comme Adobe Lightroom, avec un iPad de 128 gigs, mm-hmm. ça commence ouais. à... Tu sais, on peut y réfléchir. Ça commence à être intéressant, mais un iPad 16 gigs, tu oublies ça, tu mets 4 photos RAW, puis c'est ouais, fini. Ça, c'est ça. Ouais, ça va vite, là, en RAW. Là. Exactement. 25 mm-hmm. megs de la photo, même des fois plus. Là. Puis t'as beau avoir le logiciel le plus professionnel possible, si t'as pas ta photo en RAW, là, tu peux pas aller chercher une qualité d'édition là, aussi grande là, sur une photo JPEG. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup moins de place, mais... Ça prend vraiment là, le RAW. Là. Puis je les verrais pas faire un logiciel professionnel qui vont vendre sûrement à un prix professionnel sans intégrer Camera RAW. Là, ouais, dedans, ça, viens développer tes JPEG dans notre application, ouais, ça marche ça. Pas. Oui, mais comment ils vont faire pour intégrer, pour que tu puisses importer le fichier RAW? iPad ne supporte pas le RAW. En fait, si eux autres ils fabriquent, ils supportent ce que tu vas plugger dessus. Là. Ouais. Prends comme avec VLC, là, tu peux mettre n'importe quel format vidéo, le temps que tu l'importes par iTunes ou bien que tu l'importes directement dans l'application. Là. OK. Ils vont sûrement, parce que les applications peuvent supporter les dongles externes. Là, maintenant, ils vont supporter le petit dongle pour la caméra, là, chose USB, ou bien ils vont sortir le leur parce qu'Apple n'a pas... Il n'est pas ressorti dans Lightning. Là, finalement, ils vont sûrement ressortir un lecteur de carte SD. Il y en a un, il me semble. Pas l'officiel d'Apple. Non. Ils l'ont pas refait là, avec le port Lightning. OK. Ah, excellent. Okay. Fait pense que tu as besoin de l'adaptateur à 45$ plus la cochonnerie pour la caméra. Puis il me semblait que c'était, en fait, l'autre chose qu'ils pourraient faire, c'est simplement faire un petit web server dans le Lightroom, puis que le transfert se fasse sur des caméras qui sont Wi-Fi. Ouais. Ça aussi, ça pourrait probablement se faire. Apple l'a sorti. Je n'ai rien dit. Là. Finalement, là, il existe une prise USB là, officielle à Apple là, pour les Lightning. Caméras. Lightning. Ah, là, ouais. Okay. Lightning to USB camera adapter. Ah. Excellent. Prochaine nouvelle, le Air Microsoft permet de transformer un... Apprends à lire. Air Microphone, excusez. J'ai dit Microsoft, hein? Ouais. Ouais, excusez. Non, ma dyslexie. Permet de transformer un iPhone en microphone via AirPlay ou Apple TV. Ben, en fait, c'est assez cool parce que ton Apple TV est connecté sur une télé grand écran, ouais. Et pour la plupart du monde qui sont pas bozo comme moi, ça veut dire qu'il y a un système de cinéma maison là-dessus. Donc, mm-hmm. un potentiel de crachage de watts assez important habituellement. Ouais. Ouais. Fait qu'en fait, si tu as un Apple TV puis cette application-là, Air Microphone, tu « Bonjour Montréal! » Tu peux te faire un karaoké, je sais pas quoi, quelque chose. Fait que ça peut être assez intéressant si tu as besoin... je sais pas, tu es en train de faire Occupy Wall Street. Ouais, tu as une paire de. Puis tu veux te créer un microphone assez rapidement. Ben c'est possible de le faire. Tu n'es pas obligé d'acheter tout l'équipement que nous autres on a. 99 cents. 99 cents. Pas si pire. Tu peux même me diffuser une photo là, pendant que tu parles. Oui, pendant c'est que vrai. C'est à la TV. Hein? Mm-hmm. C'est assez cool. Ah, ben. D'ailleurs, je pense que la compagnie Air Microphone, c'est Avatron qui le fait et on va vous en parler dans les prochaines dans semaines. Les prochaines semaines. Ah, c'est, ouais, okay. C'est eux autres, oui. Ouais, okay. T'as bien lu. Sinon, en fait, ce petit segment-là, c'est toujours une ode à Bernard qui avait amené ça au podcast. Donc, c'est le bundle de la semaine. Oui. Qu'a-t-on dans le bundle de la semaine? Est-ce que c'est encore les mêmes bons vieux logiciels qu'on a dans les bundles de la semaine de tout le temps? Oui, c'est ça, les bons vieux parallèles d'acheteurs. En grande majorité, oui. Oui, c'est ça, les bons vieux parallèles. Celui-là est quand même intéressant parce qu'il y a quand même trois logiciels au départ, là, il y en a plus que ça. Ouais. Mais il y a le parallèle desktop, il y a le Text Expander et il y a le Rapid Weaver qui est un logiciel de... L'édition de site web. Oui, mm-hmm. Voilà, pour faire des sites web en HTML. Il n'y a plus personne qui utilise ça, mais bon, vous avez le logiciel, si ouais, vous voulez c'est en ça, c'est comme... Mais il y a surtout le Mac Go, le Mac Blu-ray Player, qui est le... Qui est le meilleur. Si vous branchez un Blu-ray externe à votre Mac, ça fonctionne. Là, je l'ai essayé. C'est combien un graveur ou un lecteur Blu-ray en ce moment? Interne, c'est 79,80. Graveur Blu-ray. Blu-ray, 80$. J'en ai un chez nous, moi. OK. Fait que ça veut dire, si c'est 80$, il y a Lassie qui en fait un graveur DVD. Fait que je sais pas si c'est descendu en bas du 300$, là, son cinglé, là, de vendre ça, ce prix-là. Jean-Michel va nous vérifier ça. Un truc assez drôle, le Text Expander, c'est un logiciel que j'essaie d'utiliser de plus en plus. C'est un logiciel qui fait un peu la même chose que les raccourcis sur le clavier... Le clavier Apple. Et d'ailleurs, en écoutant, je pense que c'est le podcast i5, qui est un podcast qui donne 5 petits trucs par semaine à propos du iPhone, de tout ce qui est iOS. Puis, en fait, on l'oublie souvent, mais quand on écrit un tweet, le nombre de caractères est vraiment important. Ouais. Puis, ça arrive qu'on fasse une ellipse. Une ellipse, c'est les 3 petits points. Mm-hmm. Puis, habituellement, on fait 3 petits points. Mm-hmm. 3 petits points, ça compte pour 3 caractères. Ouais. Alors qu'il y a un caractère qui existe qui est ellipse. Si tu tiens le point enfoncé, mm-hmm. un peu comme les accents et tout ça, tu as les 3 points qui vont apparaître. Et ça compte pour 1? Et ça compte pour 1. OK. Fait que là, le gars poussait encore son raisonnement plus loin. C'est-à-dire que tu t'en vas dans les raccourcis clavier mm-hmm. et tu lui dis, quand je ferai 3 points, remplace-le par l'ellipse. Fait qu'à ce moment-là, tu fais 3 points. Puis automatiquement, en fait, ben. Il tombe à moins 2. Il tombe, c'est ça. En fait, tuk tuk tuk, t'es à plus 2, t'es à moins 2, puis tu tombes à 0. Ah! C'est fait cool. Que c'est un petit truc qui est assez intéressant. Sinon, est-ce que tu as trouvé, Jean-Michel? Oui, notre lecteur Blu-ray externe chez Best Buy, 129,99. Est-ce que c'est compatible à Apple? Aucune idée. Ouais, c'est ça le problème. Je pense que le seul qui est compatible va être branché en FireWire et j'ai l'impression. Que ça va être celui de la scie. Mm-hmm. C'est compatible PC seulement. Compatible PC. On va regarder pour attendez un peu rapidement celui de la scie. On s'excuse, on n'a pas fait la vérification avant. Disque dur, il y en a un ici compatible avec PC et Mac chez Best Buy. Il y a encore 184,98 votes par Oraltech. C'est quand même. Aluratech. Et c'est, on parle d'un produit qui est branché comment? Ça doit être par USB. Il n'y a pas de photo du derrière. On va lire la description. USB 3, USB 2? USB 2.0. Ouais. Celui de la scie, lui, est encore à 249,99, ce qui est quand même pas si pire. Je viens... C'est celui qui est dans le gros... Dans le gros box de métal, il est vraiment hyper. J'ai l'impression que tu payes pour le design avec la scie aussi. Un petit peu. Vous me faites penser, parce que j'ai vu passer ça aujourd'hui. Mac Génération a fait le test du logiciel qu'on vient de dire pour le Blu-ray et c'est marqué à peu près n'importe quel modèle devrait faire l'affaire. Ah, OK. Fait que n'importe quel modèle. En USB. USB 2 ou 3. Fait que, assez intéressant. Donc, 130$. Je sais pas. Excellent. Le truc, par exemple, c'est que ça vous donnera pas grand-chose sur votre... En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire jouer le Blu-ray dans ton ordi puis sortir en Apple TV en AirPlay. Oh, je sais. Tu vas avoir 1080p. Un lecteur Blu-ray, là, maintenant, là, t'en as là, 90$. Là. Ah ouais? Un cheap, là. Ouais, mais t'achètes pas un lecteur Blu-ray, t'achètes un PS3, t'as pas le choix. Ouais, ouais, c'est ça. Faire autre chose que ça. Mais c'est vrai que dépenser 130$ plus blablabla... Ouais, puis il y a du trouble là, de faire... le logiciel. Transférer ça à télé, non? J'avoue. Achetez-vous un... Ou faites juste aller les chercher en streaming. Là. Exactement. Ils vont sortir du 4K bientôt. Ou avec un autre moyen. Ouais, voilà. C'est ça. Les Ubuntu 1080p. Ouais, ouais. Toujours efficace. Sinon, messieurs, c'est la fin. Mm-hmm. Ben oui, déjà. Non. Il est 23h06. On a fait un petit show de 1 heure. Et notre prochain rendez-vous sera le 22 mai. Donc, on vous y convie. On aura un invité qui est déjà confirmé. Un ou deux invités. Ce sont les super-héros de la High Class qui seront avec nous. Vous pouvez les voir pas mal. Ils sont très, très, très actifs sur Twitter. Et c'est Pierre Poulin et François. Ouais. Son nom m'échappe. François Bourdon de la High Class. Je les ai rencontrés en fait l'année passée lors du Head Camp, mais trop paresseux, j'ai pas fait le montage des entrevues, donc elles ont jamais été diffusées. Fait que là, j'ai un peu insisté pour qu'ils viennent se pointer. Fait que le lendemain matin dans leur classe, ça va être dégueulasse, ils vont être comme super aigris avec la tasse de café. Non, honnêtement, en fait, c'est deux gars super inspirants. Qui se retrouvent en fait partout, qui inspirent en fait une nouvelle forme d'enseignement un peu partout. Ça a l'air que dans le reste du Canada et même en Europe, ils commencent à s'intéresser à ces deux gars-là qui enseignent comme ça en réfléchissant à de nouveaux moyens de le faire intéresser les jeunes grâce à la technologie dans une école en fait à Saint-Léonard. Donc, ils vont venir nous rencontrer. Il y a pas mal de choses à parler. De la High Class, entre autres. Fait que c'est leur bébé, puis on va les laisser nous en parler. Sinon, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les intertubes? Où est-ce que vous vous écrivez? Où est-ce que vous... Publiez. Où est-ce qu'on peut vous entendre? 3-4 niaiseries. Voilà. Moi, c'est sur Twitter, @JFroy1979. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, JM_Boily. Sinon, j'écris des articles sur Mac Québec et puis je suis bien actif sur Mac Québec Entraide aussi. Si vous avez une question à poser, je vais essayer d'y répondre. Excellent. En fait, moi, je vous suggère, juste avant de me plugger, de suivre P. Ducharme sur Twitter. Il vient de se joindre à l'équipe de Mac Québec. Il nous écoutait depuis très longtemps. On cherchait un moyen de l'intégrer. C'est un gars vraiment gentil, trippant, qui fait d'excellentes côtes levées. C'est vrai, on est allé en manger chez eux l'année passée. C'est pour ça m'a pris. T'étais plus là. Hein? Ouais, c'est ça. Et en fait, il est devenu le reviewer officiel d'application pour Mac Québec. Il y en a déjà deux à son actif cette semaine. Et puis, on est en train d'y en trouver d'autres pour. C'était les brochettes de poulet en passant. C'était des brochettes de poulet, c'était pas des côtes levées. Non, c'était chez Vincent, les côtes levées. C'est vrai. C'est ça. Mais je suis sûr que Patrick Ducharme fait aussi d'excellentes côtes levées. Bref, suivez-le sur Twitter et sur Mac Québec. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Pour ma part, vous pouvez me trouver au Alex Cornelier sur Twitter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Clickpom, C-L-I-C-K-P-O-M. C-L-I-C-K-P-O-M. C'est ça, ouais. Et vous pouvez aussi aller sur le site de Mac Québec si vous avez besoin de quelqu'un à domicile parce que vous ne savez plus quoi faire, le Apple Store n'a pas pu vous aider, vous ne savez plus à quel sein vous vouer. Eh bien, à ce moment-là, appelez le Pape du Mac et je viendrai à votre rescousse. Mal breveté. Sinon, on se dit à dans deux semaines. Oui. Bonne soirée. Bye bye.